Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Alan Turing, le mathématicien à l'origine de l'ordinateur, celui-là même qui a réussi à déjouer Hitler. Il avait l'habitude d'enchaîner sa tasse de café au radiateur et tout le monde trouvait ça un peu bizarre. Mais si vous imaginez une grande table avec beaucoup de tasses et de papier, ce n'est pas complètement farfelu de faire ça. Mais les membres de l'équipe pensaient tous qu'il était un peu fou. Olive Bailey, collègue d'Alan Turing à Bletchley Park, à l'émission L'Heure du Monde en janvier 2015. Si le comportement d'Alan Turing pouvait effectivement laisser perplexe, son héritage scientifique reste, lui, colossal. C'est à Bletchley Park, justement, que Turing va réussir à décoder les messages cryptés des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. On dit qu'il aura ainsi permis d'écourter d'ailleurs de 2 ans la durée de la guerre. Turing est également à l'origine de l'invention de l'ordinateur, de même qu'il peut être considéré comme l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Si vous dites un mot de ce que je m'apprête à vous montrer, nous devrons vous exécuter. C'est magnifique. C'est le meilleur outil de cryptographie de l'histoire. Les Allemands s'en servent pour coder toutes leurs communications importantes. Tout le monde pense que cette machine est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, et nous en serons sûrs. Monsieur Turing, savez-vous combien sont morts par la faute d'Enigma? Non, aucune idée. 3. Depuis le début de cette conversation. En quoi consistera ce travail exactement? Décoder le plus indéchiffrable des codes nazis. Oh! Pour résoudre une énigme aussi géniale que celle-ci, il faut vraiment un génie. Pourquoi construisez-vous une machine? Cette machine nous permettra de déchiffrer tous les messages et de remporter la victoire. Vous pourriez nous venir en aide, mais vous refusez. Vous ne comprendrez jamais l'importance de ce que je suis en train de créer ici. Je ne suis qu'un mathématicien. Vous avez plus de secrets que le meilleur des espions. Extrait de la bande-annonce du film « Le jeu de l'imitation » réalisé par Morton Tilden en 2014, un film qui raconte le travail d'Alan Turing à Bletchley Park pour en arriver à briser le code des messages cryptés des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Pour nous parler d'Alan Turing, je reçois Jacques Marchand qui vient de faire paraître « La joie discrète » d'Alan Turing, une biographie romancée de Turing. Jacques Marchand, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a donné envie, Jacques Marchand, de vous attaquer, d'écrire une biographie romancée d'Alan Turing? Il existe déjà beaucoup de livres, en anglais surtout, sur Alan Turing, des essais, des monographies. Mais dans la plupart de ces livres, il fait figure d'homme invisible, c'est-à-dire qu'on connaît seulement le squelette de sa biographie. C'est un homme extrêmement solitaire et secret. Et donc, j'avais envie de connaître davantage ce qu'il y avait autour. Oui. Et ce qui caractérise surtout Alan Turing, c'est que chez lui, la réflexion abstraite, la réflexion la plus théorique est toujours fondée sur des sensations immédiates. Et le roman, à mon avis, est mieux équipé que l'essai, par exemple, pour faire le tour d'une sensibilité et pour rendre compte, justement, de ce passage des sensations immédiates à la réflexion abstraite. Mais vous étiez au départ... Qu'est-ce qui, au départ, chez cet homme-là, vous dit « il faut que je mette de la chair autour de l'os ». Qu'est-ce qui vous intéresse chez cet homme-là, vous? C'est que c'était un scientifique qui avait une tournure d'esprit artistique. Oui. Ce qui est assez exceptionnel, en fait. C'est ce que j'avais envie de cerner, de mieux, oui, comprendre. Et surtout, le fait, son invention de l'ordinateur, on en parlera un peu plus tard, est tellement sorti de nulle part. On se demande où il est allé pêcher ça. Ouais. Il a fait une espèce de saut quantique, en fait, avec cette découverte. Et j'avais envie, personnellement, de mieux comprendre comment il s'y était pris. Au fond, l'instinct, l'intuition, des trucs, justement, qu'on attribue davantage aux artistes, qui, chez Turing, côtoient un génie purement scientifique, purement mathématique. En fait, Turing croyait beaucoup à l'intuition en mathématiques, ouais, ce qui est un sujet de débat, en fait, parmi les mathématiciens. Il a fait sa thèse de doctorat à Princeton en grande partie sur l'intuition en mathématiques. Et toute sa réflexion qui l'a mené à la création de l'ordinateur est liée à cette conviction que l'intuition joue un rôle essentiel. Alors, en quelques mots, je l'évoquais déjà d'entrée de jeu au début de l'émission, mais quelle place il occupe dans l'histoire des sciences au 20e siècle? Pourquoi il est si important? C'est un des scientifiques les plus importants du 20e siècle. Le magazine Time, en fait, le considère comme un des 5 scientifiques les plus importants du 20e siècle à cause de l'importance de l'ordinateur dans nos vies, à la fois la vie du travail et la vie privée. Donc, cette machine a tout bouleversé et c'est lui qui en est l'origine, finalement. Oui. En plus, évidemment, de son travail. Le film, en fait, Imitation Game, a contribué beaucoup au fait qu'il sorte de l'ombre, Turing, parce qu'on l'avait un peu perdu de vue, non? Oui, en fait, le film fait connaître Turing à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je me suis intéressé à l'ensemble de sa vie. Et à cause du secret d'État britannique, les Britanniques sont restés extrêmement discrets sur tout le travail qui avait été fait à Bletchley Park, le décodage de l'énigma et tout ça, parce que les Britanniques voulaient continuer de se servir de leur technique de décodage pour décoder les Soviétiques. Donc, tout ça est resté secret jusqu'au milieu des années 75. Ouais. Et c'est seulement à partir du milieu des années 75 qu'on s'est mis à laisser sortir un peu d'informations petit à petit. Et à comprendre l'importance qu'il avait eue dans cette... entreprise de décodage des messages allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Parlons un petit peu de ses origines, de l'enfance de Turing. Vous dites que c'est quelqu'un qui est intuitif, qui avait un côté artistique très fort. On peut dire que c'est un original, ça je pense qu'on peut le dire sans se tromper, un drôle de numéro. Puis déjà dans l'enfance, on voit bien que on comprend pourquoi il est aussi original, solitaire, mais un petit peu à côté de la plaque, parce qu'il y a une enfance qui est vraiment pas banale. Non, en fait, sa vie singulière, sa singularité commence dès la petite enfance. Il est né à Londres en 1912, mais ses parents n'étaient que de passage à Londres parce que son père, Julius Turing, était fonctionnaire colonial à Madras, dans l'Inde du Sud. Donc, l'Inde est toujours fait partie de l'Empire britannique. L'indépendance ne surviendra qu'en 1947. Son père était un fonctionnaire colonial de rang moyen, pas très élevé. Mais, empire oblige, il habitait dans une très grande maison avec des serviteurs. Donc, il avait certaines idées de grandeur. Madame Turing aussi. Donc, c'était très important que leurs deux fils, il y a un frère d'Alan Turing qui s'appelle John Turing, que leurs deux fils étudient dans des collèges privés. Oui. Sinon, ça aurait été une déchéance, en fait, pour eux, même s'ils n'étaient pas très fortunés. Parce que lorsque Turing se rend au collège de Sherborne, que sa mère a choisi pour lui, ses parents, à ce moment-là, M. Turing était à sa retraite. Alan avait 13 ans. M. Turing ne vivait que sur sa pension de fonctionnaire. Lorsque Turing... Il vivait en France, à Dinard, tout près de Saint-Malo, sur la côte bretonne, pour éviter de payer des taxes en Angleterre. Donc, il était un peu gripsou, en fait. Ouais. Et donc, Alan Turing s'est rendu par lui-même. Il a pris le ferry de Saint-Malo jusqu'à Southampton. Et ensuite, il a dû pédaler en vélo jusqu'au collège de Sherborne, qui est environ à 100 km. Parce que c'est la grève de 1926, de mai 1926 en Angleterre. D'abord une grève des mineurs, mais qui est devenue une grève nationale, une grève des transports. Donc, il n'a pas pu prendre le train. Donc, il s'est rendu en vélo. Il a fait les 100 km en vélo jusqu'à Sherborne, qui se trouve dans le comté de Dorset, qui est un comté qui a été décrit longuement par Thomas Hardy, l'écrivain, le romancier britannique, un des plus célèbres du début du 20e siècle. La nature est extrêmement charmante, elle peut être cruelle aussi. Et d'ailleurs, Turing y a goûté à la cruauté en arrivant au collège, vu qu'il était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il s'habillait un peu de travers, il bégayait. Dans les jeux sportifs, il fuyait le ballon. Oui. Donc, ses collègues étudiants le maltraitaient un peu. On l'enfonçait dans une poubelle, par exemple. Le souffre-douleur, c'est ça. Mais il a réussi, au bout d'un an et demi, à se faire un ami qui s'appelait Christopher Morcombe, qui avait 2 ans de plus que lui et qui avait les mêmes intérêts que lui pour la chimie, pour les mathématiques, pour le décodage. Et c'était la première fois que Alan Turing se rendait compte qu'on pouvait se rapprocher d'un autre être humain. Mais, coup de malchance, Christopher est mort peu de temps après. Il avait la tuberculose bovine. Ouais. À l'époque, le lait n'était pas pasteurisé. Il avait bu du lait contaminé, en fait, quand il était enfant. Mais premier contact, donc, pour lui, par cet ami qui va mourir prématurément, mais Turing va poursuivre, va continuer de se passionner pour la science. Et c'est à Cambridge, Jacques Marchand, qu'il va poser les bases de ce qui permettra l'invention de l'ordinateur un peu plus tard. Comment décrire l'importance qu'il va avoir sur la création plus tard de l'ordinateur? Oui, à Cambridge, Alan Turing étudie la logique mathématique surtout. Faut se rappeler que l'ordinateur est une machine logique. La logique est fondée par Aristote, c'est la variante la plus touffue peut-être des mathématiques. Et dans le cadre d'une réflexion sur la logique mathématique, il dessine le schéma directeur de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup à l'époque d'essayer de systématiser les mathématiques. Lui, il prend ça à la lettre. C'est-à-dire que c'est un esprit très concret, Alan Turing. Il décide d'imaginer une machine qui permettrait de systématiser le travail mathématique. En deux mots, sa machine, c'est un ruban de papier d'une longueur infinie avec une tête de lecture-écriture qui se concentre sur une case à la fois. Et soit qui inscrit un chiffre, qui l'efface, qui avance, qui recule d'une case. Donc, c'est le principe de base de l'ordinateur. Et ça va servir seulement 12 ans plus tard. Parce qu'à l'époque, l'électronique n'existe pas, les vitesses de calcul ne sont pas là. C'est seulement vers 1948 qu'à partir de ce schéma directeur, on va arriver à construire les premiers ordinateurs. Mais les bases, en fait, c'est Turing qui donne la clé. Voici comment va fonctionner. Il dessine, il imagine ce qui va permettre le fonctionnement des ordinateurs qui seront construits plus tard. C'est un petit peu ça, au fond. Et dès le départ, ce qui est fascinant, c'est qu'il conçoit sa machine comme une machine polyvalente. Oui. C'est-à-dire que l'ordinateur puisse effectuer toutes les tâches humaines imaginables. Il s'agit d'inventer des logiciels pour qu'elle puisse le faire. Oui. Mais ça reste la même machine. On en arrive à l'épisode de Bletchley Park, cet épisode que raconte le film Imitation Game, le jeu d'imitation en français, dont on entendait un extrait au début de l'émission. C'est là vraiment qu'Alan Turing réussit à déjouer la fameuse machine allemande Enigma durant la Seconde Guerre mondiale. La machine Enigma servait essentiellement à informer, à donner des instructions aux sous-marins allemands, donc avec la perspective d'envahir l'Angleterre, etc. Et pour Churchill, il était indispensable de pouvoir décrypter ces messages. Et donc, ils vont organiser autour de Turing, mais d'autres gens, c'est-à-dire qu'à Bletchley Park, on a des grands mathématiciens géniaux comme Turing, mais aussi des cruciverbistes, des joueurs d'échecs, des joueurs de poker, des gens qui sont dans la logique, le jeu et le hasard. Et tout ce monde un peu hétéroclite va se retrouver à travailler autour de Turing, qui lui va, d'une certaine manière, faire la synthèse de tout ça et va mettre au point ce système de décryptage qui va fonctionner très vite, ce qui permettra aux Britanniques de quasiment lire les messages allemands en temps réel, c'est-à-dire d'être informés de tout. Et à tel point d'ailleurs que pour pas que les Allemands se méfient, ils ne montraient pas tout en disant parce que sinon ils vont trouver un autre système, il faut qu'on laisse entendre qu'on ne sait pas tout, etc. Sans Turing, la face sans doute de la guerre aurait changé, l'Angleterre n'aurait pas eu cet atout formidable de pouvoir lire dans les messages allemands. Le journaliste et biographe d'Alan Turing, Laurent Lemire, à l'émission Les Années-Lumière en juin 2012. Parlez-nous, Jacques Marchand, de cet épisode de Bletchley Park. Quelle importance ça aura, le travail de Turing? On dit que la guerre, qu'il a réussi à écourter la guerre de 2 ans, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il fait à Bletchley Park? Il se rend compte que pour venir à bout de Enigma, il faut construire une machine plus forte qu'elle. C'est que les décodeurs britanniques se cassent les dents sur Enigma depuis 1930. Donc, il arrive à concevoir une machine qui est en fait un moteur de recherche, qui recherche une seule chose, c'est la clé d'encodage quotidienne. C'est que Enigma était une machine inviolable parce que la clé de codage changeait tous les jours. Chaque jour, ouais. Donc, il arrive à créer cette machine qu'il appelle la bombe. En fait, c'était un hommage à des décodeurs polonais qui avaient créé une espèce d'embryon de machine semblable. Et Turing et ses collègues arrivent à convaincre Churchill Bell, en lui écrivant directement, de construire 200 bombes de décodage. Et avec toutes ces machines, ils arrivent... Churchill lit les messages décodés, il lit à livre ouvert dans les communications allemandes, y compris les communications entre Hitler et ses généraux. Donc, toute la stratégie de Churchill de défense lors des bombardements aériens et, vient de là. Il sait ce que les Allemands préparent, un coup à l'avance, un peu comme aux échecs. C'est comme si il savait le prochain coup que l'adversaire va jouer, c'est un peu ça. Oui, ça fonctionnait comme ça. Il restait une machine Enigma qui était difficile à décoder pour Turing, c'était l'Enigma naval. L'infanterie, l'aviation et la marine avaient chacun leur propre système d'Enigma. La navale était la plus complexe. Et donc, ça a pris un an de plus pour arriver à la décoder. Et pendant cette année où on ne savait pas ce que les Allemands se disaient entre eux, ce que l'amirauté allemande disait aux sous-marins, les Allemands étaient arrivés à couper la marine marchande qui apportait en fait le métal, le pétrole et la nourriture en Angleterre. Dans ses mémoires, Churchill dit que sa pire crainte à l'époque, c'était la famine en Angleterre. Mais Turing a finalement réussi à briser l'énigme naval. Et une fois qu'il a réussi à faire ça, les Britanniques ont réussi à couler les sous-marins allemands un après l'autre. Ça a ouvert les routes maritimes. Ça a permis le débarquement de juin 1944, en fait, l'arrivée des troupes. Ouais, c'est énorme comme contribution. Après la guerre, qu'est-ce qu'il devient, Alan Turing? Après la guerre, il construit un ordinateur en banlieue de Londres, mais il conçoit tout, les circuits électroniques. Il était devenu ingénieur par la force des choses, mais ça n'allait pas assez vite à son goût. Il a accepté une invitation de travailler à Manchester avec son maître à penser qui était Max Newman, son professeur à Cambridge. Et c'est là que Max Newman avait réussi, avec deux ingénieurs, à créer un embryon de machine universelle qui était une machine énorme qu'ils appelaient « The Baby », par antiphrase, en fait. Et sur place, Alan Turing était invité pour perfectionner la machine. Au bout de quelques temps, ils ont réussi à lancer sur le marché le premier ordinateur commercialisé bien avant ceux des Américains, qui s'appelait le Mark One. Par exemple, l'Université de Toronto a acheté un exemplaire du Mark One pour faire les calculs qui ont mené à la construction de la voie maritime du Saint-Laurent. Après cet épisode, il va s'acheter, à la fin des années 40, une maison à Wilmslow. C'est là qu'il va commencer, d'ailleurs, à travailler, à rédiger les premiers textes. Je pense qu'on peut dire les premiers textes, ou à peu près, qui ont été écrits sur l'intelligence artificielle. Une période assez heureuse pendant quelques années, Jacques Marchand, dans cette maison de Wilmslow, jusqu'à ce que tout bascule pour lui. Alan Turing est homosexuel. Il va rencontrer Arnold Murray, et ce sera pour lui le début de la fin. Puisqu'il se retrouvera cité à procès, c'est l'Angleterre de l'époque. En mars 1952, Alan Mathison Turing est condamné pour outrage aux mœurs. Il n'échappe à la prison qu'en acceptant une castration chimique, un traitement à base d'hormones féminines destiné à réduire sa libido. Alan découvre que le traitement hormonal fait changer son corps. Il grossit. Malgré tous ses efforts, il n'est pas un pur esprit. Dès le début de ses ennuis judiciaires, il avait pressenti qu'il ne sortirait pas indemne de l'aventure. Je suis pour le moment dans un état où je n'arrive pas à me concentrer correctement. Sans doute que c'est un homme différent qui va émerger de tout ça, mais lequel ? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Il a été piqué comme un chien. On lui a obligé à subir des injections d'estrogène pour le castrer chimiquement. Vous vous rendez compte, cet homme à 42 ans, qui était dans la plus brillante intelligence, peut-être un des 10 plus grands esprits que l'humanité ait connu, il a été condamné pour homosexualité, déviance sexuelle, il a été piqué avec des estrogènes, et évidemment, il n'a pas supporté, un ou deux ans après, il s'est suicidé. Le physicien Vincent Fleury de l'Université Paris-Diderot à l'émission Les Années-Lumière en 2009. Et juste avant, vous entendiez un extrait du documentaire La drôle de guerre d'Alan Turing ou Comment les maths ont vaincu Hitler, diffusé à la chaîne Arte en octobre 2015. Que devient Alan Turing? C'est tragique, c'est terrible ce qui va se passer pour lui, Jacques Marchand. Cet homme qui a si bien servi son pays va être accusé d'homosexualité, ni plus ni moins, castration chimique. Qu'est-ce qu'il devient à la suite de son procès, à la suite de cette condamnation? En fait, ce qui est le pire pour lui, au-delà des problèmes de concentration que les injections d'hormones féminines lui causaient, c'était le fait qu'il était constamment surveillé de près. Nous sommes au début des années 1950. Les Soviétiques ont l'arme nucléaire. C'est tout nouveau. Et on croit une guerre totale imminente. Donc, un climat de paranoïa extrême s'installe à la fois aux États-Unis et en Angleterre. Par exemple, les autorités britanniques et américaines congédient systématiquement les fonctionnaires soupçonnés vaguement d'homosexualité parce qu'on croit que les homosexuels sont des cibles de choix pour les espions soviétiques à cause de leur supposée faiblesse de caractère et à cause des possibilités de chantage. Il faut dire qu'à l'époque aussi, il y a eu le scandale en Angleterre de Guy Burgess et de Donald MacLean, qui étaient deux intellectuels de Cambridge, comme Alan Turing, et qui étaient passés à Moscou. Donc, Turing était d'autant plus suspect à cause de son origine de Cambridge. Et il faisait figure, Alan Turing, de menace parce qu'il avait continué à travailler pour les services secrets après la guerre. Il connaissait tout du système de décryptage britannique. Il connaissait aussi le système du programme nucléaire britannique. On lisait son courrier, on le suivait partout. Il s'en rendait compte. Donc, il en savait trop et à cette époque, encore une fois, on se dit il est fragile, c'est une proie, une victime facile parce qu'homosexuel, parce que tous les préjugés autour de possiblement du chantage. Mais plus que ça, on se dit il est de nature plus faible, entre guillemets, parce qu'il est homosexuel. C'est ça le contexte de l'époque, c'est assez inouï. On l'entendait dans l'extrait. Il va pas s'en remettre de ça. Il va finir probablement par se suicider parce que il y a un mystère aussi. Toutes sortes de choses seront dites autour de sa mort. Parlez-nous de ça, de cette mort le 8 juin 1954, de ce qu'on en sait des circonstances de cette mort avec le recul, Jacques Marchand. C'est sa gouvernante qui le découvre dans sa chambre. Il avait 42 ans et il y a certaines incongruités dans ce que raconte Mme Clayton, en fait. C'est-à-dire que Alan Turing avait l'air parfaitement calme dans son lit. Il avait la couverture remontée jusqu'au cou, alors que l'autopsie révèle que c'est un empoisonnement au cyanure de potassium. Et le cyanure fait en sorte qu'on a une sensation d'étouffement telle qu'on est porté à se jeter par une fenêtre, par exemple. Donc, alors que lui était tout à fait pomponné dans son lit. Donc, on a l'impression qu'il y a eu une espèce de mise en scène, qu'il a été un peu maquillé. Et ce mystère-là plane toujours, aujourd'hui encore, autour de sa mort? En fait, c'est à peu près 50-50. Ouais. La plupart des gens croient au suicide, mais il y a un doute qui plane. Il y a un témoignage intéressant, celui de John le Carré, l'écrivain britannique, qui, dans son autobiographie, Le tunnel aux pigeons, John le Carré était lui-même, travaillait pour les services secrets, dit qu'à l'époque, les débuts de la guerre froide, les hommes de main des services secrets britanniques et américains ne se gênaient pas pour éliminer des gens qui en savaient trop. Il faut s'arrêter là-dessus. C'était passionnant de vous entendre. Jacques Marchand, auteur de la biographie romancée d'Alan Turing, La joie discrète d'Alan Turing. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.